Chapitre 14. Je poussai un cri. Mais quoi? Dit-elle d'un air étrange. Elle était pâle et morne. Comment, mais quoi? Vous, ici, chez moi? Si je suis venue, c'est tout entière. C'est mon habitude. Vous en jugerez tout à l'heure. Allumez la bougie. J'allumai la bougie. Elle se leva, s'approcha de la table, posa devant moi une lettre décachetée en me disant: Lisez. C'est l'écriture de Degrier, m'écriai-je en saisissant le papier. Mes mains tremblaient, les lignes dansaient devant mes yeux. J'ai oublié les termes précis de la lettre, mais en voici le sens. Mademoiselle, des circonstances malheureuses m'obligent à partir sur le champ. Vous ne serez pas sans avoir remarqué que j'ai expressément évité toute explication avec vous. L'arrivée de la vieille dame et sa folie ont mis fin à toutes mes hésitations. Mes propres affaires compromises m'interdisent de continuer à me bercer d'espérances qui jusqu'ici ont été ma seule joie. Je regrette le passé, mais j'espère que vous ne trouverez rien dans ma conduite qui ne soit digne d'un galant homme et d'un honnête homme. À peu près ruiné par la débâcle de votre beau-père, je suis obligé de profiter du peu qui me reste. J'ai déjà chargé mes amis de Pétersbourg de vendre tous les biens qu'ils m'avaient engagés. Connaissant pourtant la légèreté d'esprit du général, qui a perdu sa fortune par sa faute, j'ai résolu de lui laisser 50 000 francs et de lui rendre ses engagements, de sorte que vous pouvez maintenant lui reprendre tout ce qu'il vous a fait perdre, en exigeant par voie judiciaire la restitution de vos biens. J'espère, mademoiselle, que le parti que j'ai pris vous sera profitable. J'espère aussi par là avoir rempli les obligations d'un galant homme. Soyez convaincue que votre souvenir est à jamais gravé dans mon cœur. Eh bien, c'est clair, dis-je en m'adressant à Paulina. Attendiez-vous de lui autre chose? Ajoutai-je avec indignation. Je n'attendais rien, répondit-elle très calme, mais sa voix tremblait. Je suis résolue à tout depuis longtemps. Je le connais. Il a pensé que je chercherais, que j'insisterais. Elle s'arrêta, sans achever sa phrase, se mordit la lèvre et se tut. J'avais redoublé de mépris à son égard, attendant ce qu'il ferait. Si le télégramme annonçant l'héritage était venu, je lui aurais jeté à la tête l'argent que lui devait cet idiot, que lui devait mon beau-père, et je l'aurais chassé. Il y a longtemps que je le hais. Oh, ce n'était pas le même homme auparavant, mille fois non. Et maintenant, maintenant, avec quel bonheur je lui aurais jeté sur sa vile figure ces 50 000 francs. Je les lui aurais crachés à la face. Mais ce papier, cet engagement des 50 000 francs rendus, il est chez le général, n'est-ce pas? Prenez-le et rendez-le à Degrier. Oh, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Oui, c'est vrai, ce n'est pas cela. Et la babouchka? M'écriai-je tout à coup. Paulina me regarda d'un air distrait et impatient. Quoi, la babouchka? Je ne puis pas aller chez elle. Et d'ailleurs, je ne veux demander pardon à personne, ajouta-t-elle avec irritation. Mais que faire? Comment pouviez-vous aimer un tel homme? Voulez-vous que je le provoque en duel? Je le tuerai. Où est-il maintenant? Il est à Francfort pour 3 jours. Un mot de vous et j'y vais par le premier train, dis-je avec un stupide enthousiasme. Elle se mit à rire. Et s'il vous dit, rendez-moi d'abord les 50 000 francs. Et puis pourquoi se battrait-il? Quelle sottise! Où prendre ces 50 000 francs? Répétai-je en grinçant des dents, comme si on pouvait les ramasser par terre. Écoutez, et monsieur Asley? Ses yeux jetèrent des éclairs. Eh bien, est-ce que toi-même tu veux que je te quitte pour cet Anglais? Dit-elle avec un regard qui me transperça et un sourire triste. C'était la première fois qu'elle me disait toi. Il semblait que la tête lui tournât. Elle se laissa tomber sur le divan. J'étais comme foudroyé. Je n'en croyais ni mes yeux, ni mes oreilles. Quoi donc, elle m'aimait? Elle était venue à moi et non pas à monsieur Asley, elle seule. Une jeune fille, dans ma chambre, elle s'était délibérément compromise aux yeux de tous, et moi j'étais là, devant elle, sans rien comprendre. Une pensée étrange me vint. Paulina, donne-moi seulement 1 heure et je reviendrai, si c'est nécessaire, tu verras. Reste ici, attends-moi. Je m'enfuis, sans répondre à la question qu'elle me jeta. Oui, parfois, une pensée bizarre, impossible, s'enfonce si fortement dans l'esprit qu'on finit par la prendre pour une réalité. Plus encore, Cette pensée est fortifiée par le désir, un désir irrésistible et fatal. Quoi qu'il en soit, cette soirée est pour moi inoubliable. Un vrai miracle, bien justifié par l'arithmétique, mais un miracle tout de même. Il était déjà 10h15. Je cours à la gare avec le ferme espoir, l'assurance presque de gagner. Jamais je n'avais été autant ni si étrangement ému. Il y avait encore du monde, car c'est l'heure où les vrais joueurs, ceux pour qui il n'y a au monde que la roulette, commencent leur journée. Je m'assis à la table même où la babouchka avait d'abord gagné, puis perdu tant d'argent. Juste en face de moi, sur le tapis vert, était écrit le mot passe. Je tire de ma poche mes 20 louis et je les jette sur ce mot passe. 22, crie le croupier. Je gagnais, je remets de nouveau le tout, mise et premier gain. 31, encore gagné. J'avais déjà 80 louis. Je remets le tout sur la douzaine du milieu. Le gain est triple, mais on a deux chances de perte contre une. 24, on me donne trois rouleaux de 50 louis et 10 pièces d'or. J'avais en tout 200 louis. J'étais comme dans une hallucination. Je mets le tout sur le rouge. Et voilà que brusquement, je reviens à moi et suis pris de terreur. Mais ce sentiment s'effaça vite et ne reparut pas. Je comprenais tout ce que je risquais à perdre, tout, ma vie. Rouge! Je respirais. Puis des frissons enflammés m'envahirent quand je retirai les billets de banque. J'avais en tout 4 000 florins et 80 louis. Je mets 2 000 florins sur la douzaine du milieu et les perds. Mon or et 80 louis sur les mêmes numéros, perdus encore. La rage me prit. Je saisis les autres 2 000 florins et les mis sur la première douzaine, sans réflexion, sans calcul. Pourtant, je me rappelle que j'eus une sensation qui me semble comparable qu'à celle que dut éprouver Madame Blanchard quand elle tomba de son ballon. 4. De nouveau, j'avais 6 000 florins. Je m'estimais déjà certain de la victoire. Je jetai 4 000 florins sur le noir. 9 joueurs m'imitèrent. Les croupiers se regardaient. Tout autour, on causait dans l'attente. Noir! À partir de ce moment, je ne me souviens d'aucune mise, d'aucun compte. Je me rappelle seulement, comme dans un rêve, que je gagnais 16 000 florins. Trois coups malheureux me firent perdre 12 000 florins. Je mis les 4 derniers 1 000 sur le passe. J'étais devenu insensible. J'attendais et agissais mécaniquement, sans penser. Je gagnais de nouveau et 4 fois de suite. Je me rappelle encore que j'avais devant moi des monceaux d'or et que c'était surtout la douzaine du milieu qui sortait le plus souvent, 3 fois sur 4, puis disparaissait 1 ou 2 fois pour revenir de nouveau 3 ou 4 fois de suite. Cette régularité étonnante procède parfois par série et c'est ce qui fait perdre la tête aux vrais joueurs qui jouent le crayon à la main. Il pouvait s'être passé une demi-heure depuis mon arrivée. Tout à coup, les croupiers me firent observer que j'avais gagné 30 000 florins et qu'on allait fermer la roulette jusqu'au lendemain. Je saisis tout mon or. Je le mis dans mes poches, pêle-mêle avec les billets, et courus dans une autre salle, à une autre table de roulette. Toute la foule me suivit. On me donna une place, et je me mis de nouveau à ponter au hasard, sans compter. Je ne puis comprendre ce qui me sauva. Parfois, du reste, les numéros dansaient devant mes yeux, et je m'attachais à certains de ces chiffres, mais toujours sans obstination, et je misais inconsciemment. Je devais être très distrait. Je me rappelle que le croupier corrigeait souvent mon jeu. Mes tempes étaient moites. Mes mains tremblaient. La chance ne cessait pas. Tout à coup, on se mit à parler de tous côtés et à rire. Bravo, bravo! Il y en avait qui applaudissaient. Là aussi, j'avais gagné 30 000 florins et on fermait la roulette jusqu'au lendemain. Allez-vous-en, me disait une voix à droite. C'était un juif de Francfort. Il ne me quittait pas. Il m'aidait parfois à faire mon jeu. Pardieu, allez-vous-en, murmurait une autre voix à gauche. C'était une dame très modestement et très correctement vêtue, d'une trentaine d'années, un peu fatiguée et d'une pâleur maladive, mais conservant encore les traces d'une beauté merveilleuse. À ce moment, je bourrai mes poches de billets de banque et je ramassai l'or. J'eus le temps de glisser les 2 derniers rouleaux de 50 louis dans la main de la dame pâle sans que personne s'en aperçût. Ses doigts maigres serrèrent fortement les miens en signe de reconnaissance. Tout cela ne dura qu'un instant. Ayant ramassé le tout, je me dirigeai vivement vers le 30 et 40. Là, le public est plus aristocratique. Ce n'est pas une roulette, c'est un jeu de cartes. Les banques répondent pour 100 000 thalers chaque soir. La plus grosse mise est aussi de 4 000 florins. J'ignorais le jeu, sauf ces combinaisons de rouge et de noir auxquelles je m'attachais. toute la foule qui m'avait suivi m'entourait. Je ne sais si j'eus une seule pensée pour Paulina, je n'avais que l'instinct de saisir et d'empocher les billets de banque qui s'empilaient devant moi. En effet, on eût dit qu'une force fatale me faisait agir. Cette fois, un fait, d'ailleurs assez fréquent, se produisit. Si la chance s'installe au rouge, il arrive qu'il passe 10 ou 15 fois de suite. 3 jours auparavant, le rouge était sorti 22 fois sans interruption. Or, il va sans dire qu'au bout de 10 coups, personne ne joue plus sur la même couleur. Pourtant, on ne ponde pas davantage sur l'autre couleur, car on se défie des caprices du hasard. Après 16 rouges, le 17e coup doit être noir. Les novices pontent double et triple sur le noir et perdent. Le rouge était donc sorti 3 fois de suite. Je résolus de m'attacher à cette couleur. Il y avait de l'orgueil dans mon affaire. Je voulais étonner par mon audace. On criait autour de moi que j'étais fou. Le rouge venait de sortir pour la 14e fois. Monsieur a déjà gagné 100 000 florins, fit une voix derrière moi. Je revins brusquement à moi. Comment? J'avais gagné en une seule soirée 100 000 florins. Mais cela me suffisait. Je me précipitai sur les billets, je les mis en paquet dans mes poches et m'enfuis de la gare. On riait sur mon passage, on se montrait mes poches gonflées, on commentait ma démarche, que le poids de l'or rendait inégale. Je portais près d'un demi-pond. Un demi-pond, c'est 16 livres. Plusieurs mains étaient tendues vers moi. Je fis des distributions de poignées d'or. Deux juifs m'arrêtèrent à la sortie. Vous avez du courage, allez-vous-en, quittez la ville dès demain ou vous perdrez tout, me dirent-ils. Je ne leur répondis pas. L'heure était avancée, j'avais encore une demi-verste jusqu'à l'hôtel. Je n'avais jamais eu peur des voleurs, même dans mon enfance, et je n'y pensais pas davantage cette fois. Je ne pensais qu'à mon triomphe. Pourtant, mes sensations étaient mêlées, presque pénibles. C'était un sentiment presque douloureux de victoire. Soudain, le visage de Paulina apparut à mon imagination. Je me souvins que j'allais la revoir, lui raconter, lui montrer. Mais je ne me rappelais plus ni ses récentes paroles, ni pourquoi j'étais allé à la gare, ni rien enfin de tout ce passé devenu pour moi si vieux en si peu de temps. Je ne devais plus m'en souvenir désormais, en effet, car voilà qu'une nouvelle vie commençait pour moi. Presque au bout de l'allée, je fus pris subitement de terreur. Et si on m'assassinait? Si on me dévalisait? Ma terreur redoublait à chaque pas. Je courais presque. Tout à coup, notre hôtel m'apparut, étincelant de toutes ses lumières. Grâce à Dieu, me voici arrivé. Je gravis vivement mes 3 étages et j'ouvris la porte. Paulina était toujours là, sur le divan, les mains croisées sur la poitrine. Elle me regarda avec étonnement et certes, je dus lui paraître étrange. Je mis devant elle et posai sur la table tout mon argent.